C'est toi, Marianne ? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ben, comme tu peux voir, un petit accident. T'es pas blessée, au moins ? Non, j'ai rien, t'inquiète pas. Bon, je t'explique. J'arrivais au carrefour en mobylette, j'allais tout droit. Une voiture m'a doublée. Elle a tourné à droite tout à coup, sans mettre le clignotant. Et voilà, j'ai freiné pour l'éviter, mais c'était trop tard. Et alors, elle t'a renversée ? Oui, je suis tombée sur le côté. J'ai eu de la chance, rien de cassé. Mais tu as vu mon jean ? Il est tout déchiré. Oh là là, ma petite Marianne, t'es sûre que tout va bien ? Il y avait des gens ? Oui, plusieurs m'ont aidée à me relever. Un autre s'est occupé de la mobylette. Et la bagnole ? Le conducteur s'est garé. Infect, le type. Il a commencé par dire que j'étais dans mon tort. Personne n'a réagi ? Si, un témoin est intervenu, mais j'étais un peu choquée. Et le conducteur, qu'est-ce qu'il a dit ? Il criait que la place des femmes est à la maison. Quelqu'un a dû prévenir la police. 5 minutes après, elle était là. Je suppose que ça l'a calmée. Ça oui. On a pu faire le constat, les flics voulaient voir nos papiers. On les a donnés. Un couple a accepté d'être témoin. C'est sympa. Oui, des gens adorables. Après ça, ils m'ont offert un pot. On a parlé, ça allait mieux. Alors ils m'ont accompagnée jusqu'au garage pour laisser la mobylette. Ah oui, la mobylette. Elle est dans quel état ? Rien de très grave, mais bon, il faut la réparer. Et c'est le conducteur qui paiera. Enfin, son assurance, c'est une bonne chose.